Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional de l'édition du 24 janvier. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant que la saga pour la réfection du centre Georges Vézina de Chicoutimi se poursuit. Ce matin dans le journal Le Quotidien, Michel Tifo, qui est un peu le responsable des sports à Ville-Saguenay, a mentionné qu'il qualifie de drastique les menaces du commissaire Gilles Courteau. Gilles Courteau qui a menacé les équipes au cours des derniers jours de suspension s'il ne se pliait pas aux nouvelles normes émises par la Ligue de hockey junior majeur du Québec d'ici mars 2021. Michel Tifo a mentionné qu'il n'a jamais été question de ces menaces lors de l'assemblée qui a eu lieu à la mi-décembre. Gilles Courteau qui a mentionné qu'en collaboration avec le gouvernement du Québec, les équipes qui voudraient se plier aux nouvelles normes pourraient obtenir des subventions. Donc c'est un dossier évidemment qu'on va suivre de très très près au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Je pense que c'est un dossier qui n'a pas fini de faire parler. Au tournoi Bantam, Pee-wee de Saint-Félicien avait deux matchs hier. D'abord, un match de la catégorie Pee-wee B, victoire des Sénateurs de Saint-Félicien 1-0 sur les Sabres de Robert Wall. Et dans un autre match qui était du côté du Pee-wee 2B, match nul de 2-2 entre les Bulldogs de Saint-Félicien et les Rapides d'Olbeau-Mistassini. Maintenant, hier, dans la section entrevue de DanRadioSport.com, on a parlé avec Joël Gagné, qui est l'instructeur de l'équipe d'Emilia Gagné. On sait que cette équipe qui compte dans les rangs Mélina Perron de Dolbeau-Mistassini a perdu au tournoi des qualifications des cœurs qui avait lieu à Grand-Mère en fin de semaine dernière. Et ça a été une défaite crève-cœur. Et Joël Gagné explique la défaite qui est survenue au dernier bout. Au début du match, c'était 1-0 pour l'adversaire. Au quatrième bout, on a pris 2 points. Ça nous a mis. Ça nous mettait 3-1 pour nous. Par la suite, là, notre adversaire réussissait à nous mettre la vie peut-être un petit peu plus difficile. Bon, ils sont revenus dans le match. Puis à un moment donné, on s'est fait faire un 3 points. Là, c'est des petites erreurs, hein, c'est de la précision, c'est un petit peu plus de poids, un petit peu trop balayé, un petit peu trop large, un petit peu trop court. Curling, là, c'est vraiment de la précision, puis c'est un travail d'équipe. Là. Le lancer peut être parfait si c'est mal jugé, si c'est mal brossé, ou l'inverse, des fois, un lancer il peut sembler pas trop bon, mais on réussit à le récupérer en faisant autre chose avec. Donc, on s'est fait faire un 3 points, ce qui nous a mis un petit peu plus en difficulté. Puis on faisait du rattrapage en fin de partie. La dernière pierre du match, c'est nous qui l'avions parce que c'était 6-4 pour l'adversaire, ça prenait 2 points. Bon, on n'avait pas le choix de faire une double sortie. On en a sorti juste une. On a quand même passé près de la deuxième pierre. Sauf que si le double on aurait réussi. Notre pierre lancée aurait sorti avec, on aurait pris seulement un quand même. Là, je pense que la pierre était pratiquement infaisable. Là. On se devait de l'essayer quand même au cas qu'il arriverait quelque chose, là, mais c'était pratiquement impossible de prendre 2 points. Joël Gagné qui a mentionné que les objectifs avaient quand même été atteints. On a réussi. Le premier objectif, c'était de passer au travers de la ronde préliminaire, ce qu'on a réussi en terminant deuxième, parce que il y en a seulement 3 qui poursuivent. Là. Puis c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en demi-finale où on a quand même disputé un bon match. Puis donc on s'est rendu à la finale. Moi, je pense qu'on peut être fier parce que les filles ont très bien défendu leur titre quand même. Là, ça s'est décidé à la dernière. Et le calibre s'améliore d'année en année, explique Joël Gagné. On pensait, là. En fait, l'équipe, c'est sûr que l'an passé, quand on est arrivé au Scotties provincial, moi, tant qu'à moi, dans les 2 dernières années, ça a été pas mal leur meilleure semaine de curling en équipe. Okay. Sauf que ça veut pas dire que aux autres moments, ça s'est pas bien passé. Donc, c'est juste que il y a eu une performance un peu plus extraordinaire. Il y avait peut-être sur papier, il y avait des plus grosses équipes l'an passé aussi. Des noms connus qui sont allés quelques fois au Scotties, puis des fans d'expérience, parce que nous, on allait là pour prendre l'expérience. Puis bon, on l'a déjà dit, là, contre toute attente, on s'était retrouvé là, aller battre ces équipes-là. Disons que le calibre s'améliore quand même toujours un petit peu de ce que je vois là, parce que les équipes sont de mieux en mieux préparées. Il n'y en a pas beaucoup, mais celles qui sont là se préparent quand même de mieux en mieux. Là. OK. Dites-moi, justement, si on parlait un peu de cette pierre-là, comment ça s'est passé le match? Donc, écoutez la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, j'ai parlé avec Patrick Henry de Radio-Canada Edmonton, où on parle évidemment des Oilers d'Edmonton, qui ont congédié Peter Shirley. Joël Gagné vient nous parler de de la performance de son équipe au curling la semaine dernière. Je m'y suis également entretenu avec Guillaume Gay des Sabres de Robertval. Le sport local et régional, atteindre le sport.com. On s'en occupe.